perspective plausible et nous imagine un autre mode de vie, à peine décalé de l'actuel entre critique politique et vision merveilleuse. 20 portes, 20 unes de journaux, 20 délires très ordonnés pour un bel album en carton dur, qui n'est plus tout à fait de la bande dessinée. Pour les portes du possible, publié chez Casterman, et aussi pour l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, Benoît Peters et François Chuiten sont les premiers invités de ce charivari. Benoît Peters, François Chuiten, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Donc après les cités obscures, ces portes du possible, l'album il est chez Casterman, c'est un très bel objet cartonné. Et puis l'exposition est à Paris, la Bibliothèque nationale de France, elle est gratuite, elle se poursuit jusqu'au 15 janvier. Alors les cités obscures, on avait à peu près fini par comprendre avec le temps. Qu'est-ce que c'est les portes du possible, Benoît Peters? Les portes du possible, c'est l'envie de se confronter un peu plus à notre monde, au futur proche. Peut-être de se confronter à cette sorte de panne d'utopie qui nous frappait, François et moi, au fond. Quand on a commencé les cités obscures, on avait un peu envie de revenir sur les utopies du passé, de critiquer ce que ça avait pu avoir de dur. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Tout le monde est installé dans la gestion et l'idée même d'imaginer demain, même 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça paraît bizarre, ça paraît suspect, ça paraît trouble. Alors on avait envie de le faire sans oublier tout à fait la fiction, mais en même temps en étant de plein pied dans notre monde. Donc c'est Milan, c'est Paris, c'est Londres, c'est New York, c'est des moyens de transport nouveaux, c'est des villes un peu bizarres, c'est des choses qui pourraient arriver. On n'essaye pas vraiment de dire ce que sera demain, parce que je crois que ce serait jouer au prophète, ce serait un petit peu ridicule. Mais vous vous amusez bien. Mais d'imaginer des possibles. Ouais. Des possibles. Alors parfois souhaitables, parfois moins souhaitables. Et alors en passant par le journalisme, parce que c'est-à-dire qu'il y a la présentation de ces portes, donc elles sont numérotées. Par exemple, j'ai pris la première, porte 1. Donc nous sommes le jeudi 27 janvier 2030 et le grand titre à la une, comme on dit, sur 6 colonnes ou 4 colonnes, Bruxelles pétrifiée, un bicentenaire d'eau et de pierre. Donc c'était très amusant de passer par les unes des journaux. Oui, parce que le projet s'est construit un petit peu à travers le journal, avec le Courrier international, avec des quotidiens belges et italiens. Il y avait le plaisir d'être au cœur de la presse, retrouver cette émotion de la presse qui s'est prolongée après par un livre un peu spécial, un peu plus épais. À une époque où on fait des écrans plats, on a voulu que le livre soit épais. Oui. Et donc c'est vrai que la une nous donne un côté, une espèce de présence, un jeu avec l'actualité. Et le jeu aussi de travailler sur une page, de tout composer pour qu'on ait une action, un événement en une page. Parfois, ce sont des récits qu'on ne peut pas développer sur un très long terme. Enfin, et inversement, dans les cités obscures, il y a des sujets qu'on ne savait pas traiter. Mais là, ce qui est amusant, c'est que vous avez joué le jeu du journal à fond, y compris dans votre graphisme. C'est-à-dire qu'il y a des articles éclatés, ce qu'on appelle des encadrés, peut-être des ventres, des petites interviews à droite, à gauche. Enfin, vous avez joué avec une de journaux qui essaye d'avoir plusieurs éclairages, comme on dit, pour traiter le même sujet. Oui, avec un plaisir même de dessiner le lettrage, de travailler du texte dans l'image et de l'image dans le texte, pour essayer d'avoir cette espèce de lien organique entre typographie et graphisme. Faut pas oublier que la bande dessinée est un peu née dans les grands journaux américains. On se souvient de Little Nemo, de tant de bandes dessinées du début du siècle. On finit par l'oublier, mais c'est vrai que c'est très lié. Au début, c'est très lié. On en avait l'impression qu'il y avait une écriture un peu intermédiaire à trouver entre l'écriture journalistique et l'écriture de la BD. Ça a toujours été notre plaisir, au fond, de sortir un petit peu la bande dessinée de ces cadres. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que cette idée d'une bande dessinée dont la grammaire aurait été fixée une fois pour toutes par Tintin, Astérix et quelques autres, et qu'il faudrait répéter à perte de vue en coulant des feuilletons. On a l'impression qu'il peut se passer d'autres choses entre un texte et des images, ce qui fait que peut-être des gens qui ne sont pas des lecteurs de bande dessinée peuvent se retrouver plus à l'aise dans un livre comme celui-là. Ah ben, ils vont beaucoup s'amuser. Alors, vous avez évidemment commencé par Bruxelles. Alors, Bruxelles, c'est assez drôle parce que vous expliquez d'abord que ça va devenir une ville d'eau. Donc, Venise et Bruges n'ont qu'à bien se tenir, qu'il va y avoir des canaux à Bruxelles et puis des gondoles. Et puis, vous avez dessiné des sortes de gondoles, voilà. Et puis, vous expliquez aussi que le centre de Bruxelles se dépeuple. Les gens s'en vont, ils se font construire des résidences secondaires et même plus secondaires, des résidences tout court. Et que donc, on ne sait plus quoi faire de ce centre, alors on le pétrifie pour empêcher qu'il se dégrade trop. C'est-à-dire que le centre de Bruxelles devient un musée, en fait. C'est un procédé révolutionnaire. C'est ça. Qui, en fait, évite que les maisons se dégradent, et en même temps, on a tout le détail de l'architecture qui est quand même assez intéressant dans les façades de Bruxelles. Et donc, évidemment, le problème, c'est qu'on se rend compte que cette étanchéité donne des idées à faire revenir, à faire ressurgir la Seine, parce qu'il y avait un cours d'eau qui traversait la Bruxelles. La Seine, S-E-2-N-E. Exactement. Et donc, c'est une idée un peu une nostalgie, il y a comme une mémoire de l'eau. Mémoire semble... de l'eau, oui, célèbre escroquerie, oui. Mais à Bruxelles, il semblerait qu'il y ait de l'espoir pour que cette mémoire de l'eau ait un sens. Mais quand il y a quelque chose comme ça, quand vous regardez un phénomène qu'on connaît bien, c'est-à-dire effectivement le centre des villes se dépeuple, il est de plus en plus réservé aux très riches, les populations sont écartées vers les périphéries, donc il y a un regard politique, mais évidemment politique au sens le plus large aussi dans cette affaire. C'est-à-dire que vous pointez quand même des maux, des travers, des écueils contemporains et vous poussez leur logique jusqu'au bout. Chaque page part d'un fait vrai ou de plusieurs faits vrais. C'est vrai que, par exemple, le phénomène de Bruxelles qui se vide de ses habitants est tout à fait authentique. Et pratiquement dans chaque page, il y a une source documentaire. On est parti de voyages, on est parti de recherches qu'on avait pu faire, mais on les pousse toujours un petit peu plus loin. Et ce sont toujours des fictions, ce ne sont jamais des discours, ce ne sont jamais des propositions claires, c'est une histoire. C'est-à-dire qu'en chaque page, il y a des personnages, il y a par exemple l'histoire de cette petite fille, cette petite Valeria Rollini, qui est très fragile, une petite orpheline. C'est pas familial, ça. Voilà, on lui a confectionné un cochon sur mesure, un cochon réservoir d'organes, qui pourrait à tout moment lui fournir un rein, un cœur ou autre chose si elle en avait besoin. On est très proche là de la réalité scientifique. On a même eu un chirurgien, un spécialiste des greffes animales, qui nous a écrit après la page. Mais on raconte cette histoire, c'est-à-dire par exemple, cette petite fille, elle s'attache à ce cochon génétiquement modifié, ce cochon qui est vraiment fait en fonction de ses gènes à elle, et elle ne voudrait surtout plus qu'on opère le cochon, elle préférerait y passer que de perdre son animal familier. Bon, voilà un genre d'histoire où on part d'un thème très enraciné, très précis, et en même temps, on développe une petite histoire que peut-être on ne pourrait pas développer dans une utopie traditionnelle. Alors, autre exemple, qui sont les pèlerins de l'industrie, par exemple? Alors là, on est parti d'un travail que j'avais fait autour des hauts fourneaux de Esch-sur-Alzette. C'est au cœur du Luxembourg. Il y a une ville nouvelle qui est en train de se construire. Il m'a demandé d'imaginer ce que pourraient être les liens entre cette ville et ces hauts fourneaux. Et donc, on s'est réapproprié cette histoire pour en faire une histoire où il y aurait comme une secte qui ça serait développée. Il traverserait toutes ces régions. En fait, il y a énormément d'archéologie industrielle. Il y a dans la Roue, dans le nord de la France, en Belgique, au Luxembourg, une architecture qui ne demande d'ailleurs qu'à être réinvestie et qui ferait là l'objet d'une espèce de fanatisme, d'une espèce de culte. Alors, ils ont de longues robes, ils portent de lourds marteaux sur l'épaule, ils font rouvrir certains sites miniers, certains hauts fourneaux. Donc là, on est dans les préoccupations de votre autre invité. Ils sortent même des hospices, quelques derniers ouvriers, pour remettre en marche les machines, sans rien produire, mais simplement pour retrouver la valeur du travail industriel qui s'est complètement perdu. Bon, au fond, on part de la muséographie qui aujourd'hui s'attache à de plus en plus de sites industriels, et on pousse la chose un petit cran plus loin, mais c'est pas si fou. Alors, j'avais pas pensé au Luxembourg, donc vous allez avoir le plaisir de me traiter de parisiano-centriste, mais j'avais évidemment pensé aux histoires des usines Renault à Boulogne-Billancourt, où quand même les gens se déchirent, s'insultent. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un musée de l'industrie? Non, on en fait une fondation d'art moderne. C'est arrivé dans la même discussion, ça, j'imagine. Dans toute l'Europe, il y a des préoccupations comme celle-là. On fait pas des hauts fourneaux, c'est des lavoirs à charbon, il y a des tas de sites. On se pose la question, que va-t-on en faire? Mais on sent bien que c'est une question presque d'années, parce qu'il y a une vraie fascination autour de ces lieux. Et alors, est-ce qu'il y a aussi des traits nationaux? Parce qu'il y a une page qui est vraiment très amusante. Alors là, ça se passe à Berlin. Alors, on sait bien que les Allemands sont beaucoup plus forts que nous, et évidemment, on les félicite sur les histoires de tri sélectif, même plus forts que les Belges, d'ailleurs, sûrement très forts pour le tri sélectif. Mais alors là, la page, finalement, c'est un cauchemar de tri sélectif, c'est-à-dire que c'est la logique du tri sélectif. Il faut une école. Poussée jusqu'à l'absurde. Alors voilà, racontez-moi, l'école supérieure du tri. Voilà, l'école du tri. Alors en fait, le tri est devenu très compliqué. Il ne s'agit plus simplement de trier les papiers, les cartons, les matières plastiques, les canettes. Non, non. Tout est spécifié pour que le recyclage soit facilité. Évidemment, beaucoup de gens ne s'en sortent plus. Surtout depuis qu'une commission d'unification pictographique... Il y a trop de sacs et trop de couleurs. Alors, il y a eu une commission d'unification pictographique où les Chinois étaient très très représentés et qui fait qu'il y a des signaux qui sont communs au monde entier qui doivent permettre de s'y retrouver, mais beaucoup de gens ne s'y retrouvent plus. Donc, ils sous-traitent la question du tri, ils engagent des gens pour trier à leur place, et évidemment, pour un professeur, la notion de classe poubelle a tout à fait changé, c'est devenu la notion de classe d'élite. Évidemment. Et puis alors, il y a autre chose, par exemple, ce sont les voitures cocons. Qu'est-ce que c'est qu'une voiture cocon? Ah, les voitures cocons, les voitures ont beaucoup évolué, elles sont de plus en plus confortables, maintenant, elles s'auto-guident automatiquement, elles sont tellement bien dirigées automatiquement, qu'on a un tel confort, qu'on en oublie un peu, un petit, le défilement, ce qu'on voit, et du coup, le confort effort est tellement important que il suffit qu'il y ait une faute d'orthographe dans la façon d'inscrire la destination pour qu'on se retrouve dans des endroits un peu indésirables. Alors voilà comment ça arrive à un couple de, comment on dit, de people ou de rockstar, je sais pas à qui vous avez pensé. Ils partaient vers un Johnny relais Depp château. Et Vanessa Paradis, dites-moi tout, il ressemble à qui, là, le couple de la voiture cocon? En tout cas, ils se la coulent douce à l'intérieur de la voiture cocon. Ils partaient vers un hôtel de luxe et on leur dit au moment de leur panne qu'il aimait contente beaucoup, que finalement la chambre d'hôtel était tout à fait facultative. Absolument, j'ai bien compris. Et puis alors, que va-t-il arriver au Parlement européen? Alors le Parlement européen, c'est un vrai problème parce que l'Europe devient tellement grande. Surtout avec la question de l'entrée de la Chine qui fait l'objet de grands débats en 2041. C'est le Parlement de l'Europe des 34. Exactement. Hein, exactement. Précise quand même. Donc là, elle va loin quand même. Alors le bâtiment qui est à Bruxelles, qui est complètement obsolète, a très mal vieilli, il ne représente plus grand chose, on parle d'un parlement virtuel, et donc que faire de ces millions de mètres carrés qui ont grignoté le cœur de la ville? Et donc on pense à le réhabiliter, bon c'est pas trop, on pense à un casino, on pense... Et puis il faut dire aussi que le changement climatique est tellement important dans le nord de l'Europe qu'on peut maintenant y avoir des palmiers, on a des microclimats, la mer du Nord est complètement insalubre, on peut plus s'y baigner, et on voit des possibilités évidemment de transformer ces bureaux en une activité plus agréable. Donc voilà. Il y a eu une plage, un Europark. C'est vrai qu'on parle peu du climat de la Côte d'Azur, mais il est devenu... immense aqua boulevard, non, si j'ai bien compris. Oui, mais, ouais. Mais vraiment très, très ensoleillé et très africanisé aussi. Une espèce de Las Vegas au cœur de l'Europe. Mais là, ce qui est un peu étonnant, Benoît Peter, c'est que Schuiten, évidemment, son graphisme est tellement élégant qu'il n'y a pas de cauchemar. C'est-à-dire que même quand ça serait une vision quand même un peu cauchemardesque, ce futur un peu totalitaire, enfin un peu oppressive, on a quand même l'impression à cause de l'élégance du trait que bon, ma foi, ça reste une vision merveilleuse. Bah, d'une part, on était un petit peu fatigués de toutes les visions plombées de l'avenir. Ouais. C'est vrai que c'est devenu le cliché numéro un de la science-fiction d'avoir un avenir pire que notre présence, qui quelquefois demande déjà pas mal d'imagination. Mais d'autre part, j'aimais bien cette idée que le premier regard sur la page soit plutôt un émerveillement, et que quand on entre dans l'histoire, quand on accompagne les personnages, on se rende compte qu'il y a parfois un petit ver qui s'est glissé dans la pomme, et que ce futur n'est pas non plus tout beau. Donc ce n'est pas un futur cauchemardesque, ce n'est pas un futur non plus infiniment désirable, c'est un futur contrasté, bizarre et quelquefois un peu drôle. Parce alors, que c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup, nous, quand on faisait des cités obscures, mais nos lecteurs là. Parfois trouvaient ça sérieux. Ici, je crois qu'on voit que... Oui, on s'amuse. Vous avez des comptes à régler avec l'architecture? Un petit peu. Mais dites-moi. Non, parce que par exemple, il y en a un qui s'appelle un rocher habité. Alors donc, on a fait un immense rocher à Mirapolis, qui n'avait rien demandé du tout. Et quand on voit cet immense rocher, naturellement, les malheureux qui vivent sous le rocher, ils voient plus le jour, quoi, puisqu'on leur a construit un beau rocher, très belle réussite architecturale. Parisien, mais on pense aux polémiques sur le trou des Halles, la folie des architectes d'aujourd'hui, qui veulent tout faire table rase pour tout reconstruire. Enfin, là, il y a vraiment une oppression architecturale. Non, on voit ça, et on pensait surtout à toutes ces villes qui ont besoin d'une architecture de signe, comme Bilbao, qui a pris ce musée de Guggenheim. On a besoin comme d'une démonstration, une prouesse. Une espèce de folie. Genre, regardez ce que je sais faire. Exactement. Et on se dit donc qu'on pourrait imaginer des villes qui cherchant désespérément une espèce de signe invraisemblable, seraient dans l'idée de construire un rocher habité au cœur même, au centre même de la ville. Et là, vous avez l'impression de dénoncer quelque chose ou finalement, non, vous vous contentez de jouer, de vous en amuser. D'ironiser un petit peu, toujours avec des choses possibles, parce qu'on... On est à peine loin, parce que ce rocher artificiel, c'est en même temps un centre commercial, il abrite toutes sortes de fonctions. Quelquefois, on craint que des gens, mal d'idées, feuilletant nos albums, se disent, mais ça c'est bien, ça on va le faire. Oui, alors qu'évidemment, le but n'est pas forcément de le... L'élastobal, je crois qu'il a, ça peut exister, un mélange entre le volet, le basket et le sol élastique. Je crois que c'est possible. Ça pourrait marcher. Ça fait un peu peur quand même. Et sinon, le grand esprit qui plane un peu sur la totalité de l'ouvrage et sur le projet, c'est bien juste Jules Verne. Jules Verne et tous ceux qui gardent l'envie, le désir de rêver demain. Parce que c'est un petit peu ça qu'on a envie de nouveau s'autoriser. C'est dans des espaces qu'on n'attend plus, des sujets qu'on n'attend plus, se remettre à les inventer. On a si longtemps rêvé l'an 2000, dans les années 40, dans les années 50, il y avait des visions, et puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Catastrophiste, la plupart du temps. Ah, pas toutes, parce que souvenez-vous des sciences et vie, avec les voitures volantes, les villes qui étaient aériennes, les villes sur l'eau, les villes sous l'eau, enfin, il y avait des tas de choses. Et puis tout d'un coup, plus on s'approchait de l'an 2000, moins on a eu de visions. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, mais je crois qu'il faut se remettre un petit peu à le rêver, y compris pour les politiciens, ça leur ferait pas de mal de temps en temps, de voir un peu plus loin que 5 ans ou 10 ans, même quitte à se tromper. On a l'impression, au fond, que rêver demain, rêver les possibles de demain, ça peut pas vraiment faire de mal tant qu'il y a plusieurs possibles un peu contradictoires qui donnent lieu à débat. Merci beaucoup à tous les deux, Benoît Peeters et François Schuiten. Les Portes du Possible, donc c'est chez Casterman, ce très bel album et l'exposition gratuite est à la Bibliothèque Nationale de France, le site François Mitterrand, jusqu'au 15 janvier.